بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 56 بعد المئة 156 question. يقول سئل الشيخ رحمه الله تعالى هل يجوز إطلاق الشهيد على شخص بعينه فيقال الشهيد فلان. La question c'est est-il permis de dire d'une personne qu'il est un martyr, une personne en particulier, en disant un tel est un martyr, c'est-à-dire il est mort en martyr. Et en arabe on dit shahid. Le martyr s'appelle Shahada. فأجاب رحمه الله تعالى لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى ولو قتل مظلوما أو قتل أو يدافع عن الحق فإنه لا يجوز أن نقول فلان شهيد. Donc il a dit il n'est pas permis pour nous d'attester une personne en particulier qu'elle est un martyr, même s'il est tué injustement ou qu'il est tué en défendant la vérité. Attester cela ne nous est pas permis à nous. وَذَا خِلَافًا لِمَا عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمِ حَيْثُ رَخَّصُوا هَذِي الشَّهَادَةِ وَجَعَلُوا كُلُّ مَنْ قُتِلَ حَتَّى وَلَوْ كَانَ مَقْتُولًا فِي عَصَبِيَةِ جَهِلِيَّةِ يُسَمُّونَهُ شَهِيدًا وَذَا حَرَامٌ. Et là, c'est à l'opposé de ce que font les gens aujourd'hui, qu'ils ont permis de qualifier toute personne qui s'est fait tuer comme étant un shahid, un martyr, quand bien même ce serait une personne qui serait fait tuer pour une défense tribale digne de celle de la période pré-islamique. Il l'appelle martyr, shahid, et cela est illicite. لنقولك أن شخص قتل هو الشهيد يعتبر شهادة سوف تسأل عنها يوم القيامة سوف يقال لك هل عندك علم أنه قتل شهيدا. Car le fait de dire que cette personne-là est un shahid, un martyr, c'est une attestation de ta part sur laquelle tu n'as aucun savoir. Tu ne sais pas quels sont devenir. Et يوم القيامة tu seras interrogé à ce sujet-là. Et dire qu'un tel est un shahid, j'ajoute, cela reviendrait à dire que cette personne-là est au paradis, au Jannah. Tu affirmes qu'il est au paradis, au Jannah, car le shahid fit Jannah. Et il ne nous a pas permis de tester une personne qu'elle est au paradis, si ce n'est avec un dalil. Et aujourd'hui, on n'a plus cela. Cela a été à l'époque de la révélation. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour des gens, à savoir que les sahaba kullum fit Jannah. Les compagnons sont tous au Jannah. Ça, on en a pour croyance. Mais en dehors d'eux, il ne nous est pas permis de dire qu'un tel est au Jannah. Mais on espère pour le pieux qu'il soit au Jannah, et on craint pour le désobéissant qu'il soit châtié, sans pour autant dire qu'il sera au Jannah, alors qu'on sait que tout croyant finira au Jannah. Quant au kafir, naam, lui, il nous est permis de dire qu'il est au nar. Mais quant au mu'min, ça c'est une chose que l'on peut affirmer. D'accord ? Sans avoir une preuve. Mais on espère pour lui le khayr. وَلِهَذَا لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَى جَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَحْثُو دَمًا أو نعم يَسْحَبُ دَمًا اللَّونُ لُومُ الدَّمِ اللَّونُ لُومُ الدَّمِ وريح ريح المسك. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'est pas une personne qui se fasse blesser sur le sentier d'Allah, et Allah est plus savant de qui se fait blesser sur son sentier sans qu'il devienne yawm al-qiyama avec sa blessure ensanglantée dont la couleur sera celle du sang et l'odeur sera celle du misk. فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم من يكلم في سبيله يكلم يعني يجرح فإن بعض الناس قد يكون ظاهره أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا ولكن الله يعلم ما في قلبه وأنه خلاف ما يظهره من فعله. Donc il a dit dans le hadith, il a bien dit que Allah est plus savant de qui se fait blesser sur son sentier. D'accord ? Car il y a des gens, il se peut que tu vois en apparent qu'ils combattent pour que la parole d'Allah soit la plus haute, alors que Allah sait que dans son cœur, il est à l'opposé de cela. D'accord ? Que ça, mon intention est autre que celle qu'il laisse apparaître. Et nous, on ne connaît pas le contenu des cœurs. Donc on ne peut affirmer d'une personne qu'il est shahid ou autre. D'accord ? Mais on peut dire, on espère de lui de la shahada. Et celui qui se fait tuer, mathalan, au combat, fisabilillah, on applique sur lui les règles de dunya, du shahid, du fait qu'on ne le lave pas, et on ne fait pas cela sur lui, et on l'enterre dans ses vêtements. D'accord ? Ça, c'est une chose qui est parmi les règles. Mais cela n'affirme pas que Yom al-Qiyama il soit comme nous on l'attesterait. D'accord? Ce sont les règles de la dunya. On lui applique les règles du shahid. Sans pour autant dire que Yom al-Qiyama il est shahid aqid biya bil miya. Naam. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذه المسألة في صحيحه باب قول أو لا يقال فلان شهيد. Et c'est pour cela que l'imam Bukhari dans son sahih, dans son recueil authentique, il a fait un chapitre qu'il dit qu'on ne le dit pas de un tel que c'est un shahid. الشهادة في القلب ولا يعلم ما في القلب إلا الله عز وجل. Car justement cette shahada, ce martyr, est une chose qui vient de l'intention, qui est dans le cœur, chose que seul Allah عز وجل peut connaître. فأمر النية أمر عظيم وكم من رجلين يقومان بأمر واحد يكون بينهما كما بين السماء والأرض وذلك من أجل النية. Combien tu verras deux hommes en ce bas monde faire un même acte similaire sous tous les angles, alors que entre les deux il y a la distance comme entre les cieux et la terre, et cela à cause de l'intention. Ils n'ont pas la même intention tous les deux. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه والله أعلم. Donc le fameux hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que les actes ne valent que pas leur intention et que chacun sera rétribué en fonction de son intention. Celui dont la hijra était pour Allah et son messager, alors sa hijra sera pour Allah et son messager, et celui dont la hijra était pour obtenir une part de ce bas monde ou pour une femme qui voudrait épouser, alors sa hijra sera comptée comme telle. الله أعلم. نعم. ثم قال في السؤال السابع وخمسين بعد المئة. 157 question. سُئل الشيخ رحمه الله تعالى عن قول بعض الناس إذا مات شخص يا أيها النفس المطمئنة ارجعي لربك ارجعي لربك راضية مرضية. Donc il est interrogé à propos de certaines personnes qui lorsqu'une personne meurt, et un musulman bien sûr, il récite les versets de Surat Al-Fajr, l'aube, dans le sens où Allah dit « Oh toi, l'âme apaisée, reviens vers ton Seigneur, agréé et dont on agrée. » C'est-à-dire accepté. « Fa'ajaba rahmallahu ta'ala, haza liyajuz an yutlaku ala shakhsin bi'aynihi, lianna hadihi shahada bi'annahu min hada sinf. » Donc il a dit « Ce n'est pas permis, car cela revient à attester que cette personne-là est parmi les gens de Jannah. » Cela revient à la masala précédente par rapport au shahid. Naam. Hadha alladhi akhadna al-yawm min hadhain su'alayn wa alhamdulillahi rabbil alamin.